Parce que j'avais balancé quelque chose, mais bon, il s'est arrêté en voiture, il était positif à l'alcool et il a dû rendre sa voiture. Et quand il a repassé son permis, il a dû payer 600 euros d'assurance. Ah, d'accord, ok. Et chaque fois, on fait appeler cette offre qui fait le canular. Chaque fois, elle pense que c'est son ami ou son meilleur ami, et puis elle tombe dans le panneau. Ah, oui, d'accord, ok, très bien. Eh ben, écoute, voilà. Bon, comment il s'appelle le mec ? Patrick, très bien. Bon, tu crois qu'il va tomber dans le panneau ? Ouais, je pense, ouais. Ouais, bon, écoute, on va essayer, hein. Je te promets rien, hein. Ouais, mais il va avoir la soixantaine, donc je veux dire, 60 ans, c'est quelqu'un qui écoute pas énergie, tu vois. Ah, bah tant mieux, comme ça au moins il. Écoute plutôt Nostalgie ou un truc comme ça. Oh, mais il a bien raison. Très bien. Voilà. Eh ben écoute, Céline, on y va, c'est parti, d'accord ? C'est parti. Allez, on y va. Et oh. En ligne 2, je t'ai mis le numéro. Ah, bah parfait. Céline ! D'accord. Parle bien distinctement, hein, parce qu'avec la. Tu sais, parce qu'avec la radio dans le standard, on n'a pas toujours la même voix qu'en vrai. D'accord. Ok, comme ça, voilà, comme ça, t'es prévenu. D'accord. Si jamais tu reconnais pas trop sa voix ou que lui reconnaît pas trop ta voix, précise bien que t'es Céline, tout ça, quoi, d'accord ? Ouais. Bon, allez, on y va, c'est parti. Bonne chance, hein. Bonne chance, ouais. Évidemment. Bonne chance à toi également, qui va jouer le rôle de. Je ne sais plus comment il s'appelle. Patrick Chirac. Allez, vas-y. Eh oh ? Allô, Patrick ? Ah oui, qui ? C'est Céline. Qui ? Céline, madame 600 euros, tu sais ? Ah, pourquoi tu m'appelles en masqué ? Eh bien, je t'appelle parce que c'est mon portable qui déconne un peu. Ah, okay. Voilà, je voulais te dire, je t'ai acheté une voiture parce que j'ai gagné un grand jeu. Ah, c'est gentil ! Ouais, mais comment tu vas m'appeler maintenant ? Madame 600 euros ? Il faut que tu payes l'assurance. D'accord. Et comment on fait ? Eh bien, moi, la voiture, je l'ai payée 12 000 euros. C'est une BM d'occasion. Ah oui. Ça doit pas être terrible. D'accord, c'est gentil. Terrible. Ah, ça, une BM. Ah, oh, quel oui, modèle. Une BM, dis, sois content. Ah oui, oh, je suis trop content, là. Je fais la fête, je danse dans chez moi. Comment tu vas m'appeler maintenant, madame comment ? Bah, madame 600 euros. Madame 600 euros ? Bah oui. On va pas tu changer les bonnes habitudes. 600 euros d'assurance pour assurer une BM ? J'ai pas compris. Tu crois que tu vas payer que 600 euros d'assurance pour assurer une BM ? J'en sais rien, j'en ai jamais eu. Eh ben oui, mais c'est justement, tu vas voir. Je vais voir quoi ? Eh ben moi, je t'ai fait un beau cadeau, mais il faut que t'assures pour l'assurance. Quoi. Ah oui, d'accord, oui, je pensais qu'il faudrait que j'assure avec toi. Non, pas avec moi, non. Ah oui. Mais on peut assurer ensemble ou pas ? Non, pas du tout. Même pas un petit peu ? Même un petit peu. Même pas un doigt ? Non, ça sort de question. Ah bon ? Parce que moi, je te kiffe. Hein. Tu me kiffes, mais tu kifferas ta voiture. Bah oui, mais sur la banquette arrière, peut-être. Non, Patrick que... Ouais Patrick, t'as la radio oh oh, on a bien piégé. Oh, hein. Oui, oh là là. Ah oh, quoi, y a pas de voiture ? Non, oh, mais quelle salope. Oh non, attends. Céline, on a bien rigolé. Hein. C'est Amina qui a joué le rôle de. Ah ouais. Amina a joué le rôle de Céline, bravo. Hein. Oui, merci. Ah bah on a bien rigolé, Céline. Bon, qu'est-ce que vous m'offrez cette fois ? Eh bah la possibilité de rappeler quand tu veux. D'accord, génial. Eh bah voilà, avec grand plaisir. Tu vois, j'aime bien les auditeurs qui génial, se contentent de peu. J'adore à votre émission. Eh merci. Bah tu n'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux, évidemment. Hein. D'accord. Salut Céline. Gros bisous. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Are you drunk or no? Now to judge what I'm doing. Are you high or no? To a skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough? For you to come and stay over. Cause we're free to love. So tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. Tonight. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Pour ceux qui débarquent ici, il se passe tout le temps quelque chose. Jusqu'à 6h du matin, c'est le meilleur d'énergie avec les meilleurs moments de ce qui se passe à la radio. Là, par exemple, je passe le meilleur du Rico Show, 20h, 23h, tous les soirs, tous ensemble. Il y a une grosse délire dans l'émission. On se fait un des meilleurs moments d'hier soir et derrière, ce sera Soprano et Jonas Blue dans la playlist énergie. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show. Yeah. Sur énergie. Et Toto dit le s'exprime sur l'amour en fait. C'est un petit peu ça aussi le, oui, le coup ouais. d'un soir. C'est on n'a pas envie de s'embêter, de galérer. On fait du sexe pour du sexe. Ça plaît pas. On en débat ensemble les amis. Et justement il y a Sophie 30 ans qui a su se maquer avec un coup d'un soir. Elle a fait le 0800 70 42 48. Elle habite dans le 51. Ça va Soso? Salut toute l'équipe. Salut. Salut. Alors le coup d'un soir. Le coup d'un soir, très bon. Je suis tombée sur un bon parce que ça fait 10 ans que je suis avec. Oh là là, d'un soir, coup d'une vie. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Raconte comment ça s'est passé, comment vous êtes rencontrés et bim bam bim, pif paf poum. On s'est rencontrés à une soirée sur une fête de village. Ouais. Et puis, ça s'est fini chez moi dans mon appart. Ah ouais. Et puis, après, on s'est quand même revus. Et puis, voilà, on a fait notre vie. On a eu 2 enfants. Ah ouais, c'est sérieux. L'enfant, tu l'as pas eu sur le coup. Non. D'accord, non, après non, coup. Non. Non, tout est dans le coup. Voilà. T'as 30 ans, donc c'était il y a 10 ans, donc t'avais 20 ans. Ouais. T'avais 20 ans. Et c'est fort. Hein. Non, mais si je peux me permettre, c'est plus un coup d'un soir, excuse-moi de te couper. Pourquoi? C'est pas un coup d'un soir, parce qu'elle l'a revu le lendemain. À la fin, ils ont fait l'amour et se sont dit, on se revoit. Donc c'est plus un coup d'un soir. Un vrai coup d'un soir, c'est basta. On s'est échangé quand même nos numéros, mais moi, je l'ai pas recontacté. Ça one-shot plus, quoi. C'est lui qui m'a recontacté, du coup. Ah oui, non, mais pourquoi ça marche pas ça? Ah oui, ça marche pas, un coup d'un soir, même le mec te recontacte, déjà tu donnes pas ton numéro, c'est un coup d'un soir, basta. On fait l'amour. Non, mais à la base, elle avait pas prévu. Eh ouais, mais oui. T'es con, toi. Mais pourquoi elle lui a donné son numéro? Mais est-ce qu'elle a pas compris? Mais elle est teubée, elle. Mais non, je suis pas teubée. J'avais pas prévu la suite, lui, peut-être, mais moi, pour moi, c'était. Le coup d'un soir, c'est tu rencontres la personne, tu couches le premier soir. Et une fois que t'as couché le premier soir, tu fais ce que tu veux après. C'est le coup d'un soir, c'est la définition du coup d'un soir. Le coup d'un soir, c'est je te rencontre, Sarah, ça va, on ken ensemble. Bah, je suis désolée, pour moi, c'est passé un coup d'un soir. Oh, elle nous fait passer mon bébé quand même. Choqué. Alors attends, tu sais quoi? On va demander à Charlotte, Thibaut, Karine, Alex et Sophie. Je vais leur demander d'un coup, d'accord? Okay. Vous allez répondre par oui ou par non. Charlotte, Thibaut, Karine, Alex et Sophie, tous ceux qui sont au standard. Est-ce que pour vous, un coup d'un soir, c'est une première rencontre qui se fait, tac, tac, tac, on sympathise, on fait l'amour tout de suite. Il se passe grosso modo maximum 5-6 heures entre la rencontre et lorsqu'on couche ensemble. Est-ce qu'on est d'accord, Charlotte? Clairement. Thibaut, est-ce qu'on est d'accord? Non. Ah merde. Merci. D'accord, je vais revenir vers toi. Karine, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alex, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Bah voilà. Sophie, est-ce qu'on est d'accord? Bah oui. Thibaut qui est pas d'accord, c'est celui qui nous a dit au début que les meufs étaient des chouins entre guillemets et que les mecs étaient des rois. C'est un rebelle, lui, c'est un rebelle. Thibaut, raconte-nous un petit peu ce qui se passe. Pourquoi t'es pas d'accord? Il y a le coup d'un soir et coucher le premier soir. Voilà. Sur les mots, sérieux. Je suis désolée, le débat c'était un coup d'un soir. Vous êtes là, Sarah, c'est fou, hein. T'as une association de lutte pour les droits des femmes et t'es d'accord avec le mec qui est moins en phase avec les meufs. Avec ce qu'il dit là maintenant. Arrêtez, vous êtes des ouf, vous jouez sur les mots. Un coup, c'est un coup. Mais oui, oh là là. Coucher le premier soir, juste. C'est pas un coup d'un soir. C'est coucher le premier. Quoi la différence? C'est genre, juste, t'as une personne qui te plaît, tu couches le premier soir et dans ta tête, tu te visualises avec cette personne. Un coup d'un soir, c'est que t'en as plus rien à foutre, tu veux être un bourrin du sexe et tu niques à tout va avec plein de gens. Basta. Tu peux Tu sais pas forcément si quand tu couches. Mais quand tu couches la première fois, tout de suite, tu sais pas forcément si la relation elle va durer. Parce que quand tu couches le premier soir, tu peux justement t'être rencontré pendant 2-3 semaines et par textoter. Et la première fois que tu le rencontres, tu couches le premier soir. D'un soir, c'est assez brut, c'est-à-dire je te rencontre, on nique tout de suite et après peut-être qu'on sera ensemble. Coucher, par exemple, coucher le premier soir, je t'explique. Moi, je te rencontre sur les réseaux. On discute ensemble pendant 10-15 jours. Tac, on discute, on fait l'amour, on couche le premier soir. Voilà, tout à fait. Le coup d'un soir, c'est je te rencontre là, on se voit tout de suite et on ken, on se rencontre en boîte, c'est plus, tu vois. Sans les 15 jours de discussion. Et t'as compris? C'est maintenant l'instantané. Le coup d'un soir, c'est l'instantané. Que coucher le premier soir, ça complète le coup d'un soir, l'instantané, plus le truc un peu plus loin. C'est plus global. Ouais. T'as compris? Et après, le lendemain, peut-être que j'envisage de me mettre avec. Et coucher le premier soir, c'est ça aussi. Quand tu vas dans le dating, même si peut-être au départ, t'espères avoir plus, il y a peut-être aussi un passif avant. T'as compris, la nounou? J'ai compris. Est-ce que du coup, t'es d'accord avec moi? Du coup, peut-être, à moitié. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs, du lundi au vendredi, de 20h à 23h. Sur Énergie. Mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie. Car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis. C'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles. Combien au paradis. On vit avec cette mélancolie. C'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la, la, la. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse. Ma maman dit de ne jamais oublier d'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous, l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a su. Mais surtout, ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, la, la, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman... We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, Énergie, salut tout le monde. On se fait Maroon 5 dans un playlist énergie. Dadju qui arrive juste derrière. La tournée avec énergie partout en France. Les infos, les résas, énergie.fr. Maroon 5, Dadju. Et vous le retrouverez tout à l'heure à 17h après les cours, après le boulot. Voici le meilleur de Koé sur énergie. C'était hier après. 17h, 20h. C'est Koé sur énergie. Il est notre invité, Didier Préto. Tu as déclaré dans une interview. Alors à chaque fois qu'on donne des déclarations dans les interviews, les gens disent non. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit, mais tu aurais déclaré. J'aime ces humains qui vont de pair avec leur œuvre. Je laisse quelques secondes de réflexion. J'ai dit ça. Non, mais je sais même pas ça. Faudrait remettre le contexte. Ouais, faut remettre le contexte. Faut remettre le contexte. Parce que là... Mais j'ai pas le contexte, j'ai que le début. J'aime ces humains qui vont de pair avec leurs œuvres. Alors, je sais pas ce que je voulais dire. J'ai pu le dire, mais je sais pas. Parfois, Tu l'as vraiment dit, hein, je te jure, on a sorti une interview. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire j'aime ces humains qui. Ça veut dire que, en gros, si t'aimes leur œuvre. Laissez-nous deux secondes de réponse. Ça veut dire que j'aime. Mais non, je pense qu'il y a un lien par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils font. C'est là que je voulais en venir. Peut-être. Il y a des artistes, que, quoi. C'est que par rapport à ce qu'ils défendent, il y a des artistes qui défendent des choses dans leurs chansons, qui racontent des choses qu'ils ne sont pas du tout dans la vraie vie, enfin dans leur vie en tout cas. Et moi, j'aime, en tout cas, j'aime cette réalité-là. Peut-être c'est ça. Tu aimes que les gens soient transparents et soient eux-mêmes dans ce qu'ils racontent dans leurs chansons et que ça raconte leur histoire à proprement parler. D'accord. Peut-être c'est ça que je voulais dire. D'accord, très bien, ça y est, j'ai compris. Alors je pose la question, je vais faire écouter des artistes. Est-ce que tu penses que ces humains que je vais te faire écouter vont de pair avec leurs œuvres? Avec la mer du Nord. Oui. Totalement. Pour dernier terrain vague. Jacques Brel, je dis pour les plus jeunes, parce que Bordas et Bichette m'ont regardé avec des yeux de qu'est-ce que c'est, ça passe pas sur énergie. Non, ça passe pas sur énergie, c'est pas rentré en programmation. On continue. Je suis un peu piégé là, je vais pas pouvoir dire non là. Lui, ça va pas du tout. Ah si, justement. Justement. Oui. Il va te perdre avec son œuvre, on continue. En monte

sait très bien comment gérer sa vie. Charismatique, magique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. Liola. Ah, Liola. Kouma, Liola. Ah, Liola. Tout assumer, yeah. Assumer, yeah. Tout assumer. Mercredi 26 septembre sur Énergie, c'est Cédric. J'espère que ça va ce matin pour vous tous. On se fait Armin Van Buuren et Labrantia Diplo dans la playlist Énergie. Et lui, vous le retrouverez à 23h de nouveau ce soir. Ouais, 23h, 3h chaque nuit en direct. C'est le meilleur de Mickaël sur Énergie. Bon, Elodie, donc toi, ton histoire avec tes grands-parents, là, c'est quoi le bazar? Bah, notre histoire, c'est que bon, du coup, quand les grands-parents ont été se coucher, on s'est décidé de boire l'apéro sur la terrasse tranquillement, entre jeunes. Hein. Et je me faisais littéralement bouffer par les moustiques. Alors j'ai sorti les espèces de petites spirales vertes qu'on allume et qui dégagent une fumée. Oui. Que j'ai posée au sol et que qui a pris feu et que peu à peu ça a été vers le chalet, que d'un seul coup, le chalet de mon grand-père. Alors avec la plancha et la bouteille de gaz dedans, a commencé à prendre feu. Ah ouais. Juste à côté de la voiture. Et du coup, on est partis tous en panique et puis personne n'a réagi direct. On s'est tous regardés et on a laissé le feu se prendre tranquillement. Mais comment ça, tranquillement? Et vous n'avez pas dit à un moment, tiens, on va appeler les pompiers, il y a un extincteur quelque part, je sais pas moi. En fait, c'est. Oh, regarde, je trouve que la maison est vachement plus belle quand elle brûle. Mais il faut réagir à la seconde, quoi. Le temps ça réagisse pour nous, il a dû aller chercher le jet d'eau. Eh, Robert, t'as pas les brochettes? Tu vois, comme quoi vous pouvez avoir un cerveau avec des cheveux. Après, Ah, il s'appelle vraiment Robert? Merde alors. Oui. Mais écoute, c'est. Oui, c'est improbable, mais je peux comprendre qu'il tire la gueule. Mais attends, il t'a pas marre après ça? Mais grave. On a quand même réussi à éteindre le feu avec le tuyau d'arrosage, quand même. On a réussi à gérer la situation qui aurait pu tourner largement au drame, quoi. Puis bon, là, vous avez le grand-père qui sort tranquillement de la maison et qui nous regarde et qui nous dit: ah, ça, c'est très bien. Ça, c'est bien. Continue à boire du Red Bull. C'est bien. Continue à boire du Red Bull. Je suis pas convaincu que ce soit dû au Red Bull. Hein. Non. Je pense que c'est plutôt dû à l'alcool. Mais je lui ai expliqué que c'était pas forcément le Red Bull, mais que c'était ça. Donc, du coup, je n'ai plus le droit de rentrer chez mes grands-parents avec une canette de Red Bull. Mais avec la vodka, oui. Ah, oui. Problème, oui, la vodka, il y en a dans le bar. Hein. Évidemment. C'est tellement logique. C'est tellement logique. J'ai bien flippé quand même le jour. J'imagine bien, ouais. Bon. Mais attends, et moi, ce qui me choque, là, pas mal de choses qu'il y avait dans le chalet, quand même. Vous n'avez pas relevé un détail. Quoi? C'est qu'en plus d'avoir fait de la merde, d'avoir foutu le feu, etc., avec ses potes et son cousin, là, ils se sont barrés du chalet. Et le grand-père, ils l'ont laissé en galère. Puisqu'visiblement, il est sorti après et il les a félicités. Ah oui. Donc, vous avez pris la fuite et vous avez laissé papy sous les flammes. Non. C'est un petit chalet qui est en dehors de la maison. C'est un petit chalet où on range toutes les affaires. C'est un petit chalet. Ah oui, d'accord, une espèce de petite baraque. Mais par contre, c'est vrai que mes grands-parents étaient juste sur le dessus en train de dormir. Donc, on pouvait continuer. Là, ouais, on pouvait flamber avec, quoi. Bon, merci, Elodie, pour cette petite histoire macabre qui a failli. Qui aurait pu devenir macabre. Ouais. Bon, voilà. Tu rappelles quand tu veux, Elodie. Il y a pas de souci. Je t'embrasse, à bientôt Elodie, ciao à toi. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. All we ever hear from you is blah blah blah. So all we ever do is go yeah yeah yeah. And we don't even care about what they say, cause it's yeah yeah. From you is blah blah blah. So all we ever do is go yeah.

6 énergie, mercredi matin, bon réveil. Post Malone, ça arrive pour vous. Kygo, Imagine Dragons, juste derrière. Et puis le meilleur du Rico Show. Ouais, comme chaque matin, dès le réveil, on se fait le meilleur de tous les délires de l'émission. 20h, 23h, le Rico Show sur énergie. Et maintenant, on best of. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular. Le canular du jour sur énergie. On appelle. Allez. Les shows. Oui, bonsoir. Oui, ça va, t'es en condition là, moi, Azamat ? Oui. Est-ce que t'es chaud ? Je suis à la maison, tranquille. Est-ce que t'es chaud ? Oui. Yes. Alors, je vais te passer Brian qui est juste à côté de moi. Brian, c'est Azamat. Hey, Azamat, how are you, brother ? Hi, I'm fine. Thank you. And you ? You're very, very, very good to see you, my friend. Azamat. Oh. Right. Je veux le meilleur de toi-même, que tu give la patate, la pêche, tu give, ok? Ok. I give. You got it. Azamat, tu vas imaginer maintenant, tu as toutes tes copines, les vaches, tu dois rentrer à l'étable et tu dois dire aux 100 vaches, une par une, qu'elles doivent rentrer à l'étable. Vas-y, Azamat. Ok, allez, on rentre, allez. Tu parles dans leur langue, la langue de la vache. Ah d'accord, la langue de la vache, ok. Mouh. Là tu t'énerves parce qu'elle ne rentre pas. Mouh. Tu t'énerves. Bien. Mouh. Tu t'énerves. Mouh. Bravo Azamat, bravo, you got it Azamat. Merci. Maintenant tu imagines que tu es une petite fille. Fais la petite fille, vas-y, fais la petite fille. Et pour un empire, je ne veux me divertir, puisqu'ils sont contrefaçon, je suis un garçon. Bien Azamat, sauf que maintenant tu es la petite fille et tu vois le méchant loup. Alors tu as peur, dis-moi que tu as peur. Oh, vous êtes qui ? Vous êtes le loup ? Je suis le méchant loup. Oh, j'ai peur. Je vais te manger. Non, s'il vous plaît, il n'y a pas. Je vais te mordre les mollets. Je suis pas beau, je suis trop vieille. Je vais te manger. Non, il ne faut pas faire ça. Je vais te croquer. Non, mieux de manger les vaches, ils sont juste à côté. Non, je te mange. Bravo Azamat, incroyable. Azamat. Oui, je vous écoute. Tu habites dans un appartement? Oui, j'habite dans un appartement. Tu sors de l'appartement, tu laisses ouvert. Oui. Et tu appuies sur la sonnerie. Vous attendez? Vas-y, refais. Mon propriétaire, il me regarde bizarrement, mais bon. Qui est là? Bonsoir, qui est là? Ah, c'est moi. Passe-moi le propriétaire. C'est la nouvelle star. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, Brian McDonald, pareil. Oui, nous cherchons Azamat qui est en train de faire le casting. Est-ce que vous pouvez nous parler de la personne? C'est quelqu'un de très réservé, très gentil. Vous voulez chanter peut-être vous aussi pour la nouvelle star? Allez-y, peut-être que votre vie va basculer aujourd'hui. Non, ma vie a basculé il y a longtemps. À l'âge que j'ai. D'accord. Can I have Azamat again? Oui, je vous crois que Azamat. Thank you, merci. Hein? Plume au cul. Merci. Ça plume au cul. Oh, mesdames. Attendez. Oui. D'accord. Ok. Ah, bah, je suis désolée, mais Azamat, elle t'a foiré ton casting, là. Hein? Bah, parce que je suis sortie pour sonner. Non, mais du coup, si tu veux vraiment rattraper ça, va falloir faire un chèque. Voilà. Quel chèque? Un chèque. Un petit chèque. Quel chèque? Un petit chèque. Un petit chécouné de, moyennant, 200 à 500 euros. Et on oublie cette altercation avec Brian. Non, j'ai pas. Je suis étudiant et donc... Tu ne veux pas réussir alors dans ce milieu? C'est pas grave, j'ai mon métier. C'est dommage. Brian, dis-lui quelques mots s'il te plaît sur son avenir. Azamat. Oui. T'es en direct sur Énergie, c'est une blague. Ouais.

Cédric sur Énergie. Salut, salut, bon réveil. Vous avez le temps ce mercredi matin entre la douche et le café. Et ben foncez sur votre téléphone portable. Vous envoyez Coé au 7-10-12 et tout à l'heure à 17h30 dans le Cash Cash Énergie chez Coé, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 10 000 euros. Ouais, c'est ce que je vous souhaite. Soyez là tout à l'heure. Inscrivez-vous maintenant. Pendant ce temps, ben, c'est le meilleur de Coé sur Énergie. L'émission d'hier après-midi et derrière, ce sera Divaphone dans la playlist Énergie. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Plus jeune, il paraît que tu faisais des courses de caddie avec tes potes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'une course de caddie? On ne faisait pas des courses de caddie, on allait tout en haut de Créteil Soleil, là, sur le parking. Créteil Soleil, Créteil Merveille. Ah oui, c'est là où je vais. Voilà. On parlerait des réductions plus tard. On allait le soir tard et on descendait. Tu sais, il y a des pour aller à l'étage du dessous pour les voitures, c'est des descentes un peu glissades. Ouais. Et on s'amusait à se pousser dans les caddies là. Enfin voilà. Eh bien, sachez dit que tu vas pouvoir peut-être gagner un caddie que nous avons fait pour toi. La grande classe. Le caddie de compète, le caddie de course, le caddie tuning, le caddie. Le caddie où le jour où tu veux aller avec tous tes potes faire une compète de caddie, tu as le caddie. Auto de Préto. C'est le caddie auto de Préto. Hein, c'est une boîte de tuning. Très beau, très beau. Voilà, en image, j'espère que ça rend mieux qu'en vrai. Alors attention. C'est pas les gobelets. Pour cela, attention, il faut que tu aies les bonnes réponses. Tu es prêt à jouer avec moi? Ouais, est-ce que tu es prêt à jouer à qui veut gagner un caddie de course? Vas-y, je suis prêt. Oh non. Bonjour à tous et à tous, bienvenue à qui veut gagner un caddie de course avec Eddy de Préto. Bonjour Eddy. Bonjour. On dit bonjour, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. C'est moi. Eddy, c'est toi. Voici en trois questions, tu peux gagner ce magnifique caddie de course. Un caddie pour jouer avec ses amis dans les descentes de Créteil Soleil, Créteil Merveille. Attention, voici la première question, Eddie, quel était le produit le plus vendu en supermarché l'année dernière? Réponse A, la bouteille de 1 litre de Ricard. Réponse B, le pot de Nutella. Réponse C, la bouteille d'un litre et demi de Coca-Cola. Réponse D, la tondeuse Wilkinson spécial pubis. Il y a une vraie bonne réponse dedans. Il y a une vraie bonne réponse. Le plus vendu en supermarché. Coca-Cola. Vous dites donc la réponse C. Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais. Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Vite réponse C, la bouteille de Coca-Cola. Eh non, c'était la réponse A, la bouteille d'un litre de Ricard. Ah ouais. Deuxième question. Il y a du Boccolini là-dedans. Pour vendre quel produit on entend cette relou qui dit « Ah, comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. » Réponse A, les préservatifs du Rex. Réponse B, les yaourts, le panier de Yoplait. Réponse C, les pneus Michelin. Réponse D, les croquettes Whiskas. Je dirais la réponse 2. Un panier Yoplait. Réponse B. Oui, Jean-Pierre. Il l'a dit. Oui, Jean-Pierre. C'est donc votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Le relou. Le panier de Yoplait, c'est la bonne réponse. Attention, ce caddie tuning est à deux doigts d'être dans le salon d'Eddy de Préto. Quel petit vénard. Il a l'air ravi, hein. Le caddie tuning. Et de recevoir des gens de Créteil, du Soleil, qui nous disent merveilleux cadeau. Merveilleux cadeau. Bon, dernière question. Parmi tous ces exemples, lequel est le plus sale? Sale. Réponse A, le téléphone. C'est sale, un téléphone, il paraît, avec les touches. B, la lunette des toilettes. C, la barre de poussée du caddie. D, Johnny Depp. Je dirais. La réponse 2, c'est quoi? Les lunettes de toilette ou la barre de poussée du caddie, là où tous les gens mettent leurs mains. Ouais, je dirais ça, ouais. Réponse C? Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est la barre de poussée du caddie, c'est la bonne réponse! Là, il se dit, qu'est-ce que je vais foutre de ce caddie? Comment je vais le ramener? En quoi qu'il est venu comme voiture? Merci. Ça nous fait plaisir. Ça va avec ta casquette? Là, il y a les mecs de la maison de disques qui disent comment on va ramener cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? On préfère que tu nous offres des disques d'or. Comment? C'est quand le dire? Vous avez quoi comme voiture? T'as quoi comme bagnole? J'ai une Twingo. Ah bah. Les gars, vous avez quoi d'autre? Le manager, ils sont tout partis. Ça, vous êtes en ils sont quoi? Ils partent. La maison on de pas de voiture. Pas de voiture. Oh, bah allez, voilà. Le monde du 10, c'est compliqué maintenant. Hein. Ouais, bah. Eh bien, sache que tu repars avec. On va te le faire envoyer, t'inquiète pas, oui, ça nous fait plaisir. Je vais vous demander de faire beaucoup de bruit pour celui qui était notre invité ce soir. Allez le voir en concert. Vas-y, de très tôt. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Some like their dreams to fill their days. Inside their broken hearts, they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. We got together. J'endosse les corses, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je vibre, je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing stronger than us. You've only just begun. No matter what they all say, in fear we'll throw these chains of defiance to the sky. We'll keep the outside looking in. Je sauve des océans de roses. Je rase les murs de simples choses. Mon bras. Autour je trace ma terre brûlée, l'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là. C'est le jour du grand départ. Tu verras, je suis pas venue pour te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien. Et puis tout pourrait bien s'effondrer demain. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Glisse-moi des secrets dans les mains. Je veux vivre encore ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. Come, love, try not to be strong. There's nothing strong. Sans peur, le sol crache toutes ses couleurs. Le sol tremble, pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Vous êtes sur Énergie, c'est reparti la nouvelle journée. On démarre tous ensemble. Oui, comme chaque matin. On écoute Alvaro Soler, Martin Garrix, il sera de retour dans moins d'une heure en direct pour vous sur Énergie jusqu'à 9h30. Voici le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas.

Énergie. Bonjour tout le monde. Bon réveil. Le réveil vient de sonner. Bon, ben, bon courage hein, pour attaquer. Salut aussi à ceux qui bossent déjà ce matin. Alors, écoutez Kenji dans la playlist Énergie. La tournée, ça a été annoncé. Hein, c'est avec Énergie dans toute la France. Les infos, les résas, énergie.fr. Kenji a écouté ce matin Shawn Mendes, l'horoscope dans moins de 10 minutes. Et avant de le retrouver en direct dès 6h, voici le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'ai lu Cosmo. Bravo Manu. Calmez-vous. Je l'ai pas lu en entier. J'ai enlevé les pages de pub. Du coup, après, c'est beaucoup plus facile à lire. Ah. C'est un peu ça quand même le magazine. Hein, c'est vrai. Il y avait une discussion sur ce thème. Quelle est la chose la plus étrange qu'on vous ait déjà demandé? J'ai quelques réponses. Ma voisine que je ne connaissais pas m'a demandé d'emprunter une serviette de bain pour sa douche. Wow. C'est étrange. Ouais. Un de mes amis qui n'arrive pas à faire tomber sa femme enceinte m'a demandé si je le ferais pour lui. Oh. Purée. Oh là. Ah bah je vous avais annoncé le thème. Hein. Sympa. Ouais. Et un autre, un ami m'a une fois demandé de lui prêter 120 euros pour de l'urine lyophilisée afin qu'il puisse passer un test de dépistage de drogue. Voilà. Oh là. Mais c'est, voilà, ça va très très loin. Ah ouais. Ma question est, avez-vous plus fort que ça? Ça va être dur. Quelle est la chose la plus improbable que quelqu'un vous ait déjà demandé? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Glandu? Moi, une amie avec qui j'étais allé faire du shopping, elle m'a demandé d'essayer une jupe pour voir si à la fille à qui elle voulait l'offrir, ça allait lui aller. Parce qu'elle faisait la même taille que moi. Elle fait la même taille, mais elle n'a pas le même corps, enfin j'espère. Non, mais elle fait la même taille, c'est pour voir où ça va tomber, tout ça. Et le pire, c'est que je l'ai fait. Je suis resté dans la cabine, par contre, j'ai ma dignité. J'ai ma dignité, je suis resté à l'intérieur de la cabine. Tu t'es dit à la nana, venez voir. Ah ouais, j'ai dit, elle a fait venir voir et tout, et elle a ri et elle l'a pas pris finalement. Et elle s'est dit, putain, encore un con que j'ai eu là, tiens. Elle a pris une photo et elle s'est barrée pour sa collègue. Quelle est la chose la plus improbable que quelqu'un vous ait demandé, Isabelle? Une dame dans la rue qui m'arrête et qui me demande de regarder si sa fille avait bien des poux. C'est-à-dire qu'en fait, elle voulait la confirmation. Oh. Elle voulait que tu regardes les cheveux de sa fille? Ouais, ouais. Pour voir s'il y avait des poux. Oui, vraiment. Je l'avais jamais vue. On se croisait dans la rue. Elle m'a arrêtée. Elle me dit, voulait bien regarder si elle a vraiment des poux. Elle était en stress. Oh, c'est horrible. C'est vrai. Et tu l'as fait? Bah oui, je l'ai fait gentiment, comme ça, du bout des doigts. Oh quoi. Non. Bah oui, bah non, écoute, je vais pas dire non quand elle même. Elle avait des poux, du coup? Mais je crois pas. J'ai pas bien vu. Je sais pas trop attarder. Mais je regarde pas, moi. Mais écoute. Isabelle, elle regarde, mais en plus, elle sait même pas quoi. C'est oui, elle a peut-être des poux. On te demande ça, tu dis. Mais elle était en panique, je voulais pas la laisser, donc attends, j'ai gardé. Attends, excuse-moi. Ça me gratte au niveau du pubis. Oh non. Bizarre. Mais c'est quand même bizarre. C'est chelou, ouais. Maëva est là au téléphone. Bienvenue, Maëva. Salut Manu, salut les ouin-ouins. Salut. Quelle est la chose la plus improbable que quelqu'un t'ait déjà demandé? Bah écoute, moi je bosse en clinique vétérinaire et un jour j'ai un mec qui m'a téléphoné pour savoir s'il était possible de greffer une corne sur le front du poney de sa fille parce qu'elle a toujours rêvé d'avoir une licorne. Oh, ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas très gentil pour le poney quand même. Voilà. Non, c'est pas très cool. Hein. Et puis c'est encore pire pour l'animal à qui t'as pris la corne. Parce que tu dis oui, t'imagines, il y a quelque part dans le monde un rhino qui fait putain merde. C'est horrible. Mais tu sais quoi, ce qu'il fallait lui dire, c'est justement, achetez-lui une licorne et allez, achetez-lui un rhinocéros et utilisez la licorne à manger beaucoup de gâteaux. Ça marche. Merci de nous avoir appelé, Maëva. Belle journée à toi. Quelle est la chose la plus improbable que quelqu'un vous ait demandé, Nico? Moi, c'est ma belle-mère qui un jour, on faisait du shopping un peu ensemble et elle m'a demandé de l'accompagner dans un magasin de lingerie. Mais non. Donc c'est chelou. Bah, on faisait les magasins, il y avait plein de magasins et elle voulait rentrer dans un magasin de lingerie, donc elle m'a dit, bah Nico, viens avec moi. Et sauf que moi j'ai pas pu, hein. J'ai pas pu. Bah c'est normal. Donc j'ai feinté un coup de fil, j'ai dit attendez, faut que je passe un coup de fil et j'ai attendu dehors. Oh, mais c'est déjà, enfin tout est gênant en fait. Ouais. Mais je crois qu'en fait la belle-mère de Nico, elle le kiffe un peu quoi. Ah mais non, mais oui, elle m'aime bien, elle m'aime beaucoup. Hein. Oui, mais c'est un peu ça, le problème. Plus que bien. Oui, mais enfin, un magasin de lingerie, elle t'aime plus que bien. Mais non, mais elle voulait pas que je la conseille. Non, mais après, c'est quoi l'étape d'après? Viens avec moi, on va regarder YouPorn. Non, c'est chelou. Franchement, on est à ça. On est à ça, je te le dis. Belle maman. Ah bah oui, belle maman. Non. La boulette. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas.

like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde. Petit point horoscope pour vous ce matin. Énergie, l'horoscope. Avec les béliers, vous irez cette fois au bout de vos projets. Les taureaux, les astres vous fourniront une situation qui sera un bain de jouvence. Les gémeaux, vous accorderez la priorité à votre vie conjugale aujourd'hui. Les cancers, vous n'aurez pas à subir un blocage important. Les lions, vous réussirez à éviter les pièges aujourd'hui. Quant aux vierges, l'amour sera une valeur en hausse. Les balances, des personnes mal intentionnées pourraient vous préparer quelques embûches. Prudence. Les scorpions, vous vous sentirez de plus en plus proche et solidaire de votre conjoint. Les sagittaires, climat astral de la journée lourd et assez mouvementé. Les capricornes, évitez surtout l'autorité aveugle. Les verseaux, votre vie de couple vous réserve de bons moments, tant mieux. Les poissons, mieux vaut vous organiser un petit peu mieux. Voilà pour l'horoscope, on se fait 10 euros. Aya Nakamura, Clean Mandit et comme d'hab, au réveil, le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Quelle radio double votre salaire en vous réveillant le matin? Énergie. C'est gagné, Katoche. Merci. Quelle radio vous raccompagne à la maison en vous éclatant? Énergie. Est-ce que vous avez un micro dans le supermarché? Me dites pas non, je l'ai déjà vu. Est-ce que... Chers clients, écoutez Koé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Quelle radio vous offre 50 000 euros avec la playlist suprême? Énergie. Radio vous fait découvrir les plus grands hits des plus grandes stars toute la journée. Énergie, it music only. Gagner des iPads pour la sortie du film L'ombre d'Emily avec Énergie. Emily a disparu. Je me rends compte que finalement, je ne la connaissais pas aussi bien que ça. Écoutez le Rico Show de 20h à 23h sur Énergie et gagnez des iPads. Emily, si tu nous entends, nous sommes tous très inquiets. L'ombre d'Emily avec Anna Kendrick et Blake Lively actuellement au cinéma avec Énergie. It's music only. Énergie. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche es muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués conmigo, mujer, si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balte. De noche me floco como Yandel. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Even Vous êtes sur Energy, c'est Cédric. Salut tout le monde. On va écouter VG Dream dans la playlist Energy. Moi j'ai bien aimé l'histoire de VG Dream qui a chanté ramener la Coupe du Monde dans un club en Belgique. Ouais, c'était le week-end dernier. Alors visiblement c'était demandé hein, par les fans qui étaient dans le club. Voilà, c'était pas pour narguer les Belges. VG Dream dans la playlist Energy. Matt Simon, c'est avant de le retrouver en direct un petit peu avant 6h. Voici le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Energy. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Le jeu de glandu. Ouais. Le principe est très simple. Il va nous poser une question. Chacun notre tour. Nous sommes obligés d'y répondre. Ouais. Et toutes les questions commencent par, d'après toi, qui dans le studio? Exactement. On y va. On commence par Nico. Très bien. Vas-y. Ouais. Nico, d'après toi, qui dans le studio raconte le moins bien les histoires drôles? Oh, Paulette. Bah Paulette, évidemment. Ah ouais, ouais. On est tous d'accord. Je vais pas hésiter. Non mais elle est facile la question. Ah ouais, c'est sympa celle-là ça. Celle-là est facile, celle-là est facile. Bah ouais. C'est pas sympa, non? Ah, j'ai pas dit que c'était sympa, j'ai dit qu'elle était facile. Je suis content de tomber sur celle-là. Attends, si vous pouvez le contraire, tu nous racontes une histoire drôle. Hein. Ah bah oui, j'y vais tout de suite. Alors, c'est l'histoire d'un vampire. Oui. Qui décide d'aller dans un bar et qui il appelle le serveur. Le serveur lui dit qu'est-ce que tu prends? Il dit je voudrais boire un coup. C'est un vampire, un coup. Vous êtes débile. Ah, je voulais boire un coup, le coup de quelqu'un. Oh là là. Ok. Comme quoi, t'avais la bonne réponse. Isabelle, d'après toi, qui dans le studio a le plus de mal à garder un secret? Oh bah c'est Manu, sans hésiter. Ça c'est gratuit ça. Non, c'est pas gratuit. Tu es tout à fait utile à balancer le secret et juste après tu fais oh mince la boulette, fallait pas que je le dise. Mais attends, mais alors honnêtement, alors dis-moi, ouais, quel secret je t'ai dit? Ah non, mais j'ai pas de preuves. Ah bah ouais, non. Ah non, c'est non, mais alors que moi je sais qui dans le studio balance vraiment les secrets des autres. Ah ouais, c'est qui? La même qui raconte mal les histoires drôles. Ça va pas, non? Mais je donnerai pas son prénom. Ah non, moi je suis une tombe, et tu sais pourquoi? Parce que je les oublie. Ah ouais, mais je t'en sors maintenant un exemple. Il y a un exemple d'hier. De quoi? Ok, le mec, je sais plus qui. Tu nous as dit, il y a quelqu'un qui m'a dit. Attends, je sais plus ce que. Honnêtement, j'ai oublié ce que c'était. Et Glandu a dit le prénom de la personne. Ouais. Et tu l'as regardé, tu m'as dit. Non, mais j'ai pas dit le secret, j'ai pouffé. Non, le secret, tu l'avais dit avant. Mais le secret, c'était la personne. Mais il a donné le prénom et t'as pouffé de rire derrière. Mais Paulette, elle se fait attaquer alors qu'à la base, c'était pas elle qui avait été désignée. Non, mais Manu, il s'est pas fait autrement. Ah ouais. Oui, mais moi, ma meilleure défense, c'est l'attaque. Ta meilleure défense, c'est moi, oui. Manu, c'est à toi d'attaquer. Tu sais quoi, je connais pas la question, mais c'est Paulette la réponse. Ah, écoute la question quand même. Ouais. D'après toi, qui dans le studio a eu le plus de partenaires sexuels? Allez, dis-le. Ah, pas mal. Dis-le. Alors, non, je pense pas que ce soit Paulette. Ah, merci. Non, parce que c'est vrai que Paulette sort beaucoup et tout, mais. Ouais. Allez, c'est pas genre je ramène tout le temps. Non. Ah non, je peux pas être moi, Manu, pourquoi tu me regardes? J'ai le même mec depuis 25 ans. Mais j'ai rien dit, moi. Ah, tu m'as regardé, c'est pour bah ça. Bah oui, je te regarde parce que t'es jolie. Ah, merci. Je t'en prie, mais je sais que c'est pas toi, évidemment, t'as eu un homme dans ta vie, donc c'est pas toi. C'est pas Nico non plus, parce que il a pas eu beaucoup d'ex avec avant sa femme d'il y a 10 ans. J'ai pas eu le temps, effectivement. Voilà. Donc, entre vous quatre, c'est clairement glandu, quoi, je pense. Ouais, c'est pas à moi de le dire. Je préfère rester discret là-dessus, on va enchaîner si tu veux bien. Il est là à dire qu'il a posé cette question pour avoir cette réponse. Il l'a posé à la bonne personne. Et tu sais quoi? Et en plus, il me l'a posé à moi, parce que s'il l'avait posé à quelqu'un d'autre aurait dit moi. Mais comment on peut pas se dire soi-même? Paulette, tu vas pouvoir te venger. D'après toi, qui dans le studio pue le plus des pieds? Alors, c'est pas du tout par vengeance, mais c'est Manu. Alors ça c'est gratuit total. Alors je les ai pas sentis. Bah voilà. Parce que ce serait chelou que tu me fasses sentir tes pieds tout simplement. Mais Isa, je pense pas. Elle est clean dès qu'elle passe à côté de moi, ça sent la lessive. Nico, il est hyper clean. De toute façon, c'est un malade de la propreté. Ouais. Glandu, il a des chaussures qui font propre. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas. J'ai pas senti non plus. Ouais, mais toi, t'es chelou. Toi, t'es chelou. Tu gardes tes chaussures à la plage, toi. Et toi, t'es viré. Et toi, tu sens bon des pieds. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. We can do better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad. Your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats. We've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up.

Vous êtes sur Énergie, bon réveil tout le monde. Sur un petit point météo pour vous ce matin. Énergie, météo. Bon, et c'est pas compliqué, hein, du soleil partout ce mercredi, 2 à 16 degrés pour les températures ce matin. Cet après-midi, comme le matin, du soleil partout pour tout le monde. Les températures, 19 au Havre, il y aura 20 degrés à Strasbourg, Reims et Lille, 22 à Paris, Brest, Dijon et Nice, 25 à Nantes, Lyon, Marseille, Montpellier et Toulouse et 27 degrés à Bordeaux et Bastia. Un bon réveil avec nous sur Énergie, c'est le retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie dès 6h, comme chaque matin. En attendant, on se fait la playlist Énergie, voici The Prince Karma. Bon réveil tout le monde, Énergie c'est mercredi. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Tout le monde, vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. On va écouter Drake dans la playlist Énergie. Drake, avant le retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie. Vous avez envie de l'appeler en direct ce matin, vous pouvez, hein, 0870-42-48. En attendant, voici ce qui s'est passé hier matin chez Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans 6-9 sur Énergie. Allez, on va faire maintenant la famille bizarre. Le principe est très simple. Qui dans votre famille est bizarre? Qui dans votre famille est étrange? Qui dans votre famille est surprenant? Qui est l'original de votre famille? 0870 42 48, vous pouvez commencer à nous appeler et on démarre avec l'équipe. Allez, Paulette. Oui, c'est ma mère. Non, c'est toi. Évidemment. Non, c'est ma mère parce qu'elle fait des câlins aux arbres. Elle va tout le temps, dès qu'elle voit un arbre, surtout cet été, c'était la folie. Ouais, dès qu'elle voit un arbre, elle habite à la campagne, donc elle voit tout le temps des arbres. Bah, elle voit tout le temps des arbres, elle fait des câlins constamment aux arbres. Elle a lu un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres, ça l'a bouleversée. Et du coup, elle fait des câlins, mais cet été, c'était trop gênant. Parce qu'on est partis en vacances ensemble et elle part. Et à chaque fois qu'on faisait une balade, elle se collait aux arbres. Déjà, on perdait un temps fou. Bah oui, c'est ça. Ah bah, c'est-à-dire que quand tu fais 100 mètres et que t'as une allée d'arbres, forcément, tu mets 4 heures pour la faire. Mais elle doit aller très très bien, ta mère, parce qu'il paraît que grâce aux arbres, on prend vraiment beaucoup d'énergie et c'est pas des bêtises, hein. C'est prouvé. Il y a un échange. Par qui c'est prouvé? Je te donnerai le nom demain du mec. D'accord, okay, ouais. Parce que moi aussi, je veux dire que c'est prouvé que c'est de la merde. Hein. Mais on est d'accord qu'une pépinière, c'est un sex shop. Elle est comme une dingue. C'est-à-dire que le mec, quand il va à Jardiland, Tu sais qu'il a Jean-Yann quand t'entends dans les allées. Au nom de Dieu. C'est gênant quand même de se balader avec la mère de Pollen. Qui est le bizarre? Qui est l'étrange? Qui est la personne dont tout le monde parle dans la famille quand il n'est pas là? 0870 42 48, on a Lucie qui est avec nous. Bienvenue Lucie. Ouais, salut Manu. Qui est ton bizarre dans ta famille? Alors moi, c'est mon oncle Pierre. C'est un fan de guerre, il collectionne tout sur la guerre. Hein? Il a même des vêtements, des mannequins, il a une Jeep, un char qu'il utilise pour des manifestations. Un char? Un char. Un char, oui. Mais attends, alors, question bête, où est-ce qu'il le gare, le char? Ah bah, il a un terrain dédié exprès, il a même une pièce dans sa maison dédiée à ça, à sa collection sur la guerre. Mais attends, mais c'est un char en étant de marche? C'est-à-dire qu'il peut mettre un obus dedans? Ah bah, il peut rouler avec, mais après, il est désarmé, quoi. Ah oui, d'accord, oui, c'est bien. Tu vas à la boulangerie avec ça, je peux dire que la dernière baguette, elle est pour toi. Hein. Ah bah, je pense, oui. Et tu vas en boîte. Ah ouais, je rentre pas. T'es bien sûr de ça. Ah oui, d'accord, il est un petit peu bizarre. Ouais. Mais... Voilà, et le pire, c'est que des fois, il vient déguisé au repas de famille en militaire, alors qu'il n'a jamais travaillé dans l'armée. Hein. Oh. Ah ok, c'est il a un fantasme de ça, mais il a jamais fait. Ouais. Mais voilà, il a poussé le truc très très loin au niveau du. Franchement, le char, c'est fort. Tu sais c'est quoi original. Ça me fait marrer. Parce que du coup, l'idée d'avoir un char dans ton jardin, c'est que quel voisin va venir t'emmerder. Voilà, c'est ça. Il a pas de problème. Ah non, mais attends. Ok, non mais je la taille là, Bernard. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Merci de nous avoir appelé, Lucie. Qui est le bizarre dans votre famille, Isabelle? Mon père, il se gratte le dos contre les angles de porte. Mais régulièrement, en famille, dans toutes les occasions, il se gratte le dos contre les angles de porte. Ah oui, en mode balou, comme sur les comme il fait sur les armes. Quoi. Exactement. Okay. C'est gênant. Et il a personne pour lui gratter le dos, pour l'aider, ce pauvre homme? Ben non. Mais parce qu'il aime bien. Mais je crois qu'il préfère même les portes, ouais. Ah, d'accord, c'est sympa pour ta mère. Tu veux que je te fasse un massage? Non, non, c'est bon, j'ai la porte des chiottes. Cathy, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les Wawas. Salut. Bienvenue sur Énergie, Cathy. Quel est le bizarre de ta famille? Alors, l'original dans ma famille, c'est ma sœur jumelle, donc qui se lève tous les matins, quel que soit l'heure, quel que soit le jour, à 4h du matin pour faire une heure de yoga. Tous les jours. Mais elle se rendort après? Non, elle fait son heure de yoga et après, madame va se préparer. Ah ouais, 4h du matin, c'est tôt pour du yoga. Mais c'est super. Surtout qu'elle commence à 8h. Hein, donc, ça s'appelle le Miracle Morning. En fait, c'est une vraie science, quoi, qui te dit que tu gagnes du temps de vie. Regarde-moi dans les yeux. Non, je te promets, Manu. Non, mais regarde-moi dans les yeux. Tu gagnes du temps de vie. Fait que je te montre le Miracle Morning. Allez. Alors, okay. L'avantage avec moi, avec mon Miracle Morning à moi, c'est franchement, tu peux te lever 5 minutes avant. Pas besoin d'une heure. Dès 6h. Dès 6h. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. So the way I used to love you, no, I don't wanna know. Who's taking you home? Am I loving you so? The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. From that one, bet you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Do you think of me? And what we Before they try and kill me, they gotta make some choices. They running out of options, cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top, and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe. Cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. Show 'em how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Non mais c'est vrai, je sais. Ça se trouve, Drake nous insulte grave pendant 5 secondes et on ne comprend pas. C'est pas grave. 5h55, soyez les bienvenus sur Énergie. C'est mercredi aujourd'hui, c'est le 26 septembre, c'est le week-end. Oui. Ah ouais. Je vous rappelle que la loi est passée il y a deux jours, c'est le week-end dès le mercredi. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est ta loi, hein, Manu, on rappelle quand même. Ah oui, c'est ça c'est, après vous faites comme vous voulez. Soit vous faites la loi, soit vous faites la mienne. Mais qui serait contre en même temps? En même temps. Alors, franchement, s'il y aurait quelqu'un qui se lèverait qui dirait oh le week-end le mercredi, vraiment. Je ne pense pas. On démarre l'émission dans 5 minutes, c'est Manu dans le 6-9. Comme chaque jour, soyez les bienvenus. Mais avant ça, petit bonheur du matin, le club du 5-5-5. On va s'écouter un titre qu'on n'a pas écouté depuis très longtemps. Ouais. Pourquoi? Je ne sais plus pourquoi. Je suis tombé dessus hier. Tu sais, mais tu vas sur... tu démarres par vouloir acheter par exemple des pinces à linge sur Amazon, ouais. Et tu finis sur YouTube à regarder un truc sur comment on fait ce tour de magie. C'est vrai, c'est et tu vrai. Ne sais pas pourquoi t'es arrivé là, ouais. Et ben je ne sais pas pourquoi je suis arrivé sur ce titre hier sur YouTube. Me demandez pas. Jojo. Ah, l'ancienne. Ah, total à l'ancienne. Ah ouais. Ça ah ouais. De 2000. De 2000. Yeah. Bon réveil sur Énergie. I've been waiting all day for you, babe. So won't you come sit and talk to me. How we're gonna be together always. Hope you know that when it's late at night, I hold on to my pillow tight. You think of how you promised me forever. I never thought that anyone could make me feel this way. Now that you're here, boy, all I want is just a chance to say the truth. How could you ever be so cold to go behind my back and call my friend? Boy, you must have gone and bumped your head, because you left a number on your phone. So now I'm broken, set and up. Maybe I'm the one to blame, but too late that you could be the one. Well, I didn't. Ça s'écoute vraiment bien l'hiver avec de la pluie qui tombe et le froid. Jojo sur Énergie, il est 6h. Qu'on amène le coq.